avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème avec Frédéric Barbouchy, Antoine Vézina. Bonjour Frédéric. Jean-Philippe Durand. Bonjour Fred, bonjour Antoine. Mathieu Bouillon. Bonjour les hommes. Et Suzanne Lévesque. Je comprends pas. Laissez Suzanne tranquille. C'est mon amie. Ah, je me trompe, j'ai fait Suzanne Lapointe. Moi aussi, je faisais Suzanne Lapointe. Ouais, on va les lâcher, tes lionnes. Alors. Messieurs, bonjour. Salut! Pas de problème, c'est très simple. Vous nous envoyez des problèmes, on en choisit un et on essaie de sortir des meilleures solutions possibles. Exactement, on essaie de vous aider. Oui. Dans la boîte ou à l'extérieur? Oui, monsieur. De là. Oui. Dites boîte. C'est une expression qui a bien vieilli. Oui. Juste avant, j'aimerais vous inviter à participer à notre concours. Tu vas faire ça chaque semaine jusqu'en décembre 2012? Jusqu'en décembre 2012. J'y crois pas. Concours pour changer le monde. Il reste 52 fois. Envoyez-nous. On a déjà plein. Mais voyons donc. J'ai rien lu, mais on a déjà plein. J'y crois pas. C'est des spams. Le prix, je vous avertis, le prix, ça va être quelque chose. Hein. Ah, écoute. Non, c'est ça. Il y en a qui parlent de voyage. Ouais. Mm-hmm. J'en dis pas plus. J'ai mon voyage. On est commandité par Allostop. J'ai des cheveux fous. Le voyage de Mathieu a été offert par... Mais voilà. Ah oui, donc, j'ai mon voyage. OK. Le problème de cette semaine, Philippe? Le problème de cette semaine. Oui. Bonjour, pas de problème. Mon problème est que mon frère jumeau est presque fâché tout le temps. Comment faire pour qu'il soit plus confiant? De Georges Velasco. C'est un bon problème, ça. Oui. C'est fascinant et ça touche tous les jumeaux. Oui, mais c'est drôle, c'est ça, de frère jumeau. Nous écoute, mais est-ce que c'est des jumeaux identiques, ça, on le sait pas. Hein. Ben non, mais moi aussi, j'aurais aimé ça, dire que c'est mon frère jumeau. Ouais. Mm-hmm. Moi, c'est un... Wow. Oh. Non, c'est pas vrai. Moi, c'est un des problèmes qui me mystifie le plus. Ah ouais? Ben, non seulement, tu sais, comme la colère et la confiance semblent être imbriquées dans ce problème-là, mm-hmm. Ce qui, me mystifie, là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un premier jugement sur la colère du frère, ça passe par la confiance. Ouais. Mais c'est vrai, quand on fait lien, souvent, c'est parce qu'on manque de confiance. Oui, qu'on se fâche. Les gens confiants se fâchent pas. Est-ce qu'ils sont identiques ou pas? Non. Ou discrètement. Toi, Antoine, t'es toujours de bonne humeur. Là. Moi, je suis toujours en tabarnak. Mm-hmm. Mais pas en colère. C'est tabarplotte. Je suis toujours en tabarplotte. Me semblait aussi. Mais calme, tu vois, calme. Je suis confiant. Des jumeaux bien connus. Mm-hmm. Castor et Pollux. Oui. Oh! Oui. Dans la mythologie grecque. On peut les voir dans le ciel. Deux. Mais là, ils étaient, eux, différents. Comme vous le savez, il y en avait un qui était mortel et un immortel. Ah, mais là, c'est une bonne raison pour s'obstiner. Et à la mort du mortel, l'immortel a demandé à Zeus de lui prêter un peu d'immortalité à son frère. Et c'est comme ça qu'on les retrouve maintenant éternels et réunis dans la constellation du Gémeaux. Hein, les deux étoiles, Castor et Pollux, qui guident les marins. Alors, donner quelque chose à son jumeau. Fait qu'il n'y avait pas trop de colère dans cette histoire-là. C'était non, plus mais attends, un amour mais regarde bien la prochaine. Vous les connaissez sûrement, Romulus et Rémus. Ça s'est mal terminé. Oui. On parle évidemment des fils de Mars dans la mythologie romaine. Mais on voulait s'en débarrasser pour pas qu'ils se vengent. On les a mis selon certains, sur le Tibre, le fleuve. Ils ont été recueillis par une louve qui les a nourris et protégés. Une autre version voudrait plutôt que ces deux frères jumeaux aient existé, se soient retrouvés dans une grotte, et ce serait plutôt une prostituée du nom de Lupa. Louve, son nom qui aurait pris soin d'eux. Okay. Vous le savez, à la fondation de Rome, il y a ce fratricide terrible. Mm. Les deux frères se retirent chacun sur une des collines, des sept collines entourant Rome, et attendent un signal. L'un qui dit c'est moi qui l'ai eu, l'autre qui dit c'est moi qui l'ai eu. Il compte les vautours, en fait, une passe de vautours. Mm-hmm. L'un qui dit j'en ai compté sept, l'autre 14, il dit tu mens, nanana. Et là, je pense que c'est Romulus qui avait tracé un sillon sacré. Certains diraient un réticule, une ligne à terre. Mm. Puis l'autre gars, il a traversé la ligne, puis il l'a tué. Qu'il a franchi le sillon sacré. Non, il a passé la ligne que j'ai tracée à terre. Oh. Hey, tu passeras pas cette ligne-là. Ouais? Ben tu passeras penses? Pas cette ligne-là. Ouais, ouais. Ben. J'ai compté 14 vautours. T'as pas vu de vautours, mon gars? Dans tes dents. Et voilà, c'est là que Rome a été fondée. Ah. Donc, il y a peut-être quelque chose là, dans cette haine-là. Peut-être la création. Tu parles-tu aussi de Eddie, puis voyons, comment il s'appelle l'autre, là? Marnie? Non, aider les fils de Céline et Vendredi. Vendredi. Non, il y a les... Eddie Nelson. J'ai regardé pour voir les frères Cédine, Daniel et Henrik dans la Ligue nationale de hockey, qui, au moment où on se parle, là, dans la saison 2011-2012, Daniel a 49 points, Henrik 52. Je voulais voir les punitions. Il y en a un qui est puni que l'autre. Ouais, qui mais 34 pas. Punitions pour Daniel puis 38 pour Henrik. Donc, ça se compare. Ouais, mais il paraît que les 34 du premier, là, il a fait semblant qu'il était l'autre. Puis... Il y a un petit tour de passe-passe. Ben, on voit ça... Il sort ses chandails, des fois. Dans la littérature, il y a un Stephen... C'est du film Goon qui sort bientôt. Ouais. Arrête donc, toi. Non, c'est pas vrai. On voit souvent ces histoires de jumeaux, de némésis, d'inverse. Ouais. Ouais. Roman de Stephen King, entre autres, là, qui me revient en tête. Sparrows. Tu sais, t'as un jumeau, puis l'autre, c'est le méchant. C'est la barre des ténèbres. Il n'y a rien eu. Le Evil Twin, un peu. Le Evil Twin. Alors, je sais pas si c'est de ça qu'on parle, peut-être. Mais tu sais, Zach et Cody. C'est ça, exact. Je pense que l'histoire de Castor et Pollux, que tu as dit, a été reprise dans le film Jumeau, avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito. D'ailleurs, c'est peut-être le cas, hein. Peut-être que l'autre manque de confiance parce qu'il est plus le Danny DeVito de l'affaire, puis que George est plus, tu sais, comme un culturiste de 8 pieds. Peut-être. Puis pourtant, on souhaiterait être plus DeVito que l'autre, non? C'est comme les jumelles Olsen. I love you! Les jumelles Olsen, il y en a une des deux qui veut être plus petite que l'autre, ce qui mène une anorexie. Oui, non, il y en a une sombre, là, quand même. Et là, c'est leur sœur qui les a battues solides. Ah, ouais, oui, la toute petite qui est devenue bonne. Ben, c'est vrai. Mais je sais pas s'ils sont identiques. Une solution serait de prendre ses vêtements et d'aller lui faire une réputation de gars joyeux. Parce qu'on est souvent une personne transformée par le regard des autres. Oui. Et c'est peut-être ça, tu sais, c'est un cercle vicieux, je pense. Si on n'est pas bien, les gens vont quand même... Là, c'est un cercle vicieux. Mais là, si on rend les autres heureux, ils vont peut-être lui rendre... La vie plus confiante. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, il va prendre ta place à toi. Non, pendant qu'il dort. Il va te faire une mauvaise réputation. Ouais. On ne saura plus qui est qui. Tu y dis pas, faut que tu le fasses à son insu. Ta blonde a fait c'était bien hier. Ta blonde française internationale. Ah, quel scénario! Non, c'était pas français international, c'était accent botché. Accent botché. Bolchevik. Évidemment, ça peut mal tourner. On se rappellera de cette cause fameuse à Vannes. En Bretagne, où deux frères jumeaux en sont venus au coup. Et un des deux a été condamné à 250 euros d'amende. C'est sorti dans les journaux, cette innocenterie-là. Non, j'ai retrouvé ça sur Internet. Mais mais c'est pour vous dire, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Mais tu sais, il y a des événements qui rapprochent aussi des sœurs et frères jumeaux. Ouais. Comme, n'étaient-elles pas jumelles? Tu sais, les sœurs Goyette, là, l'affaire des valises rouges, là, vous rappelez-vous? Je sais pas si c'était... Des sœurs Lévesque, Ouais, c'est Lévesque. C'était des sœurs, donc pas jumelles, eux autres, tu sais, madame voleuse de drogue, là. Non, mais c'était fait tromper, arrête. Ouais, moi, je dis qu'elle n'avait pas assez de la drogue. Ben voyons donc. J'ai un grand monsieur qui était venu les voir à l'aéroport. Puis qui avait dit... passer là-bas. Rien non. Ah ouais. Rien non. On n'a jamais su la vérité. Il y a Samuel sur Twitter qui écrit vraiment quelque chose de troublant. Bon, comme d'habitude, il nous propose de le tuer. OK. Ne plus ressembler à lui, changer d'identité, s'enfuir... Et il a écrit « Lui faire une pipe ». Ah, ça calme. Je pense qu'il a compris Le podcast. Oui, Oui, c'est drôle. Il a résumé la solution à tous nos problèmes. Quatre solutions, quand même. Je rentre un peu la groupe, comme la semaine dernière. Oui, c'est ça. Faire une pipe à son revenez pas à l'affaire de l'autobus. Là, je l'ai essayé, ça fonctionne pas. Ça va marcher. Tu n'as pas essayé, c'est la bonne personne. Le chauffeur est occupé, Antoine. Il va être ton ami. Bon, une bonne balle anti-stress, là. Mm-hmm. Ça n'a jamais tué personne. Ouais. Ça, mais si on enlève là, le facteur jumeau, là, comment est-ce qu'on peut donner de la confiance à une personne? T'sais, sais-tu comment la complimentant ses accomplissements? Ça dépend, parce que si est en manque de confiance par rapport à toi, ça peut être dur de faire « Ben non, okay. T'es bon, lâche pas. » Tu fais « Hey, laisse-moi tranquille. » J'imagine, si on élargit ça à deux bons amis ou deux frères, un frère puis une soeur, un frère qui réussit, l'autre qui réussit moins... C'est celui qui réussit qui va voir l'autre qui fait « Mais non, lâche pas, t'es bon, ça va bien. » Tu botches ta vie un peu. Pour que l'autre puisse réussir. Pour que l'autre fasse « Hey, ça va donc bien pas bien, lui. Je vais l'aider, tu sais, pour... » Ou juste de faire comme « Hey, ça va mieux que lui, moi. » Mais là, écoute, je ne peux que souligner la ressemblance troublante avec la nouvelle émission « Apparence » à Radio-Canada. Où c'est je dans pensais fond... que tu voulais parler de duo. De... animé par Joe Boo. Ouais, non, mais c'est vraiment deux sœurs jumelles, dont une qui est couronnée de succès, puis l'autre qui fait une. En tout cas, qui est disparue pour l'instant. Ouais, qui est en admiration que... avec. Ouais, peut-être que Georges et son comme frère Claudette. Jumeau. Comme Claudette et Céline Dion. Ouais. C'est vrai. Elles sont pas jumelles, eux autres. Non, mais elles pourraient. Mais ils pourraient. Ils ont l'air de des sorcières. Non, c'est ça, la littérature. Est rempli, le cinéma, de ça. Dans le fond, ça nous ramène à nous-mêmes, en fait. Ouais. Confiance, c'est pas confiance. Dans le monde artistique, là, la communauté artistique... Québécoise? Sylvie Moreau, qui est Nathalie? Oui, c'est ça. Oui, très gentil. Il y a Émilie Jacob. Hein? Un frère jumeau, oui. Mais c'est pas une membre de partenaire. C'est qui elle? C'est qui elle? Les frères Tadros? Oui! Oh! C'est des jumeaux, ça? Je pense que oui. Hey, je recevais des courriels d'eux autres. Tadros. Genre, lancement de disque, spectacle. Lâchez-moi, où est-ce que vous avez pris mon courriel? Il y a les deux chanteuses australiennes, là? Magma? Non. Véronica? Les Véronica? OK. Oh, c'est peut-être... C'est comme semblant de parler dans ma lumière. SketchUp, mais c'est personne... Ah non, j'ai croisé ça sur Internet. Trois jumelles. Véronica? Les Véronica. Je sais pas. Les Australiennes. C'est deux chanteuses, des jumelles identiques. La bande dessinée Les Triplés dans le 7 jours. Oui. Pic et Nick. Nick et Pic. Je crois que c'était des jumeaux. Gilles et Julie. Ça va trop loin. Ouais, c'est pas de conflit là-dedans. Là. Ouais. Mais donc, je crois que ce conflit-là confronte en fait la personne qui nous a posé le problème. C'est à l'intérieur d'elle-même. Ouais. Mm-hmm. Oh, j'ai une idée. Peut-être qu'ils pourraient essayer de devenir siamois pour une journée, puis voir si comme leurs conflits sont réglés par la proximité. De la corde ou du gaffer tape? Ouais, genre ils se gaffer tape. Oh, comme avec le film là, avec Matt Damon là. Attends, non! Arc, oui. Ça, oui! Basketball, non? Oui, c'est les frères... Avec Bill Paxton. Ouais, ça? Ils jouent au baseball? Ouais. C'était les mêmes que Dumb and Dumber. C'était les gars si à moi, finalement, ils se font des... Avec Greg Kinnear. Greg Kinnear, c'est ça. Ouais. Ça s'en vient, monsieur. Greg Kinnear. Ah, c'était... Ah, mon Dieu. Ben, il y avait beaucoup de conflits. Ouais. Oui. Tu sais, il rentrait en conflit, il était pas content... Non, ça doit être très confrontant. Stuck on you. Stuck on you. Et c'est Brothers Stick Together. C'était quand même bon. C'est juste après White Chicks, là. Le deuxième White Chicks. Ouais. Tu sais, White Chicks, c'est tellement poche que ça prend une autre valeur. Ouais, comme les... Tu sais, Scary Movie, t'as écouté le premier, t'es mieux d'écouter le quatrième. Parce que c'est tellement mauvais qu'à un moment donné, ça prend d'autres choses. Ouais. Mais le pire qu'ils ont fait, c'était les frères Wayans. Ouais. C'était un des deux qui était déguisé en bébé voleur. C'était un bébé voleur qui tombait dans une famille. C'était un qui... Mais c'était un petit nain qui se fait passer pour un bébé. Quelle horreur! La pire idée du monde. Un homme bébé. C'est vraiment de l'humour. Hey, c'est terrible ce que je vais dire. Je le dirai même pas. Ben non, dis-le pas. Ouais, je pense qu'on a appris là, de ça. On te demande pas de le dire. Little man. Mais il faut voir si le jumeau en question est seulement fâché envers l'autre jumeau. Là. Ouch. Voyons, es-tu rentré dans le micro? Là? Oui, je voulais regarder le petit bébé noir. Hey, sais-tu combien ça vaut? C'est 20$ chaque. Oui, merci Sonar. Oui, merci beaucoup Sonar pour tout le matériel qu'on brise. Oui, vraiment. Ils sont en rénovation, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça travaille au moment où on se parle. Vraiment. Je salue un des... Ah, c'est génial. Tu veux dire ton futur ami? Non, moi, il frottait à fourche dans l'autobus. Hey. En revenant tantôt. Oui. En fait, c'est que, selon moi, c'est peut-être pas un problème d'être fâché. Être fâché, c'est pas nécessairement négatif. Mm. Il veut peut-être prendre ses distances par rapport à son jumeau, trouver son identité. On le sait, c'est déjà difficile en soi, dans une fratrie encore plus, avec un frère-sœur jumeau. J'imagine que les difficultés augmentent. Donc, pourquoi pas se fâcher un petit peu, prendre sa place? Donc, c'est pas nécessairement de résister à ça. Non. Peut-être lui proposer des cours de judo, de canaliser ça, faire du sport ensemble, transformer ça, là, cette compétitivité-là, en sport, en concours d'écriture. Oui, comme se dépasser l'un l'autre. Tu sais, faire « Hey, tu me tombes ses nerfs, bonne game de badminton. » Rappeler souvent son frère ce en quoi il est meilleur que lui. Oui. Puis c'est souvent, moi, je vais là-dedans. Mais toi, t'es bon là-dedans, t'es capable de... Ouais. Toi, t'es capable de rater ta vie. Pas moi. Moi, je suis capable de réussir les choses, tu sais. Toi, zéro, c'est ça ta force. Moi, de les entamer. Toi, c'est bon pour briser les affaires, pour faire des flops. C'est ça, moi. Jamais tout fonctionne. Frère top, frère flop. Mec, tu meurs à 35 ans. Je vais pas dire. Mais écoute, moi, vraiment, je suis mystifié par ce problème-là. J'ai de la misère à donner des solutions. Mais il y a, le positivisme dans tout ça. Tu sais, souvent, quand on est justement fâché ou il y a... Parce que la personne se concentre sur ce qu'elle n'a pas, quand elle devrait se concentrer sur ce qu'elle a puis ce qu'elle a. Donc, parce qu'elle vit dans la comparaison de l'affaire. La relation de son frère avec lui, c'est toujours en comparaison. Ouais. Pourquoi lui, il y a une blonde? Pourquoi c'est lui... Il est riche. Pourquoi lui, tout fonctionne? Peut-être. Pourquoi je suis en chaise roulante? Pourquoi il y a du linge brillant? Pourquoi il écoute pas de problème? Pas moi. Ouais, mais... ça a l'air super, pas de problème. Ouais. Moi, j'arrive pas à te downloader sur mon ordinateur de merde. Napster, il sort pas sur Napster. Mon PC, il est là, son MacBook. Winamp, le mon iPad. Qui a coûté beaucoup moins cher. Mon iPad. iPad. iPad. Je les haïs, pas de problème. Mais hey, peut-être aussi qu'on rentre trop la thématique jumeaux là-dedans. T'sais, peut-être que Georges, ils n'ont peut-être pas un lien mystique, là, lui et son frère. Là. Peut-être que c'est juste mon frère est tout le temps en crise, comment elle rentre de bonne humeur un peu. Là, faut canaliser la patente. Un bon cours de boxe, là. Ouais. Tango. Oui. Mais toi, Antoine, t'as pas fait de la recherche, mettons, sur les anger management puis ces choses-là, là, les rageaholiques, là? Jamais. OK. Bon. Ben, mais selon moi, un petit coup de laser dans l'oreille. Pioup! C'est réglé. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont addicts à la colère. Ouais, hein, on avait absolument déjà parlé de ça. Ça fonctionne comme ça. Moi-même, des fois, là je vieillis, là, puis des fois, je suis plus malin là, dans la vie, puis... On dirait que je prends goût à ça. Ouais, faut juste se rappeler. Faut faire des fois attention. Que, oui, hein. Oui, tu m'as déjà parlé de ça. Ouais. Et des fois, c'est correct aussi, là. L'amertume, tu sais, ça vient gâcher une journée. Ouais. Ouais, pourquoi j'ai pas eu ça? Ouais. Tu sais, quand tu marmonnes dans ta barbe, là, c'est pas une bonne journée. Ouais, puis on dirait que, comme des fois, la colère te fait sentir comme genre, ah, là, j'ai été comme. Puissant d'exprimer ma colère, mais là, après ça, tu regrettes toute la journée de l'avoir fait, mettons. Ça dépend, il y a des moyens de le faire. Moi, je dis que la colère, c'est pas nécessairement négatif. Hein, vous voyez mon point de vue? Je suis d'accord avec ça aussi, ouais. Enfin, excusez-moi, ouais. Là, ça marche pas. Ouais. Je suis très choqué, madame. Mm. La façon, tu sais, il y a moyen de faire. Madame. Sortir de là, faire ouf, je suis content de l'avoir dit, je suis content de l'avoir fait, je l'ai fait correctement. Ouais. Ouais. Puis j'étais vraiment maudit, puis j'avais les raisons pour, puis là, c'est réglé. Ça fait 12 ans. Je suis content d'avoir frappé, là, madame. Ouais. Ça s'est fait rapidement. Ouais. Plexus solaire, hôpital, tranquille, coma artificiel, elle va revenir. Ouais. Elle va l'avoir eu, ça le sent. Travaux communautaires, je m'en tire bien. Oui. Faut voir les choses du bon côté. Donc, apprivoiser sa colère, en faire une amie plutôt qu'une ennemie. Et, écoute, les émotions en général, c'est correct d'être triste, Jean-Philippe. C'est correct de pleurer, tu peux pleurer. Parfait. T'es-tu correct? Oh mon Dieu, ça y est, c'est parti. Non, oh non. C'est pas de ta faute, Antoine. Les valves ont ouvert, là. Les valves ont ouvert. Mais, OK, solution possible aussi. Ouais. Oui. Une surprise par jour. Ah, oui, pour le déchoquer. Non, mais tu sais, tu fais comme... Un seau d'eau sur sa porte de chambre. Tu y dis jamais. Tu y dis jamais. Je fais juste lui offrir une surprise par jour. Oui. Le jour où il n'y en a pas, là, il pète sa coche. Il pète sa coche sort. Je vais aller. Ma surprise! Non, mais tu sais, je veux dire... Quoi d'autre que lui faire plaisir de... Parce qu'il y a... Franchement, là... Jorge... Georges? Jorge. Il a vraiment l'air de l'aimer, son frère. Ouais. Mais s'il pose la question, c'est parce qu'il l'aime, son frère. C'est ça. Lui rappeler. Pas en le disant de même, parce que ça dépend quel âge qu'ils ont. Mais des fois, tu peux t'arrêter? Oui, je m'excuse, je sais. Je mais juste, tu sais, de faire comme... Hey, mon frère, il t'aime. Tu sais, c'est peut-être pas... Il t'aime. C'est peut-être pas... C'est insultant à tellement de niveaux. Oh, c'est terrible. Et voilà. Bonsoir, les 5 étoiles ou rien. Ouais, c'est un 4 étoiles. La communauté. Je m'excuse. C'était bien, sauf quand ils ont imité mon accent. Ben non, pas toutes. Il t'aime. Je parle de même, moi, quand j'ai mis du monde. Il t'aime. Il t'aime. Mi hermano. Faire des activités avec lui, parce que avec ses amis respectifs, ouais, je pense. Tu sais, moi, mettons, je sais pas, toi, c'est pareil, Mathieu, ouais, j'imagine tout le monde. Tu sais, ma sœur, on n'a pas les mêmes amis, évidemment, non, j'espère. Mais ça arrive de temps en temps qu'on va faire des activités où elle va m'inviter avec ses amis à faire quelque chose ou aller faire un tour. Puis j'ai l'impression que c'est là que tu apprends vraiment à connaître l'autre. Ah, c'est vrai, ouais. Parce que tu sors de tes référents de famille, tes jokes, de ce que tu connais de l'autre, tu sais. Puis moi, j'aime bien ça, faire ça. Fait que peut-être essayer de faire une activité avec les amis de son frère, puis ça va peut-être mieux cerner. Ouais, tu vois l'autre dans son en tant qu'animal social un peu. Exactement. Ouais. Exactement. J'aime ça. Belle idée, ça. Ouais, c'est le fun, ça. Se rapprocher. Ben écoute, moi, j'ai tellement aimé cette idée-là, c'est ma solution préférée. Moi aussi, je pense aller. D'essayer ça, mais les surprises. Ouais. Tu sais, moi, je te dis pas des cadeaux à chaque jour, comme tu disais, mais tu sais, de temps en temps, une petite affaire de viens, attends, je te paye le cinéma. Ouais. C'est le fun. Puis pendant que t'es comme, mettons, sur la route avec les amis, tu peux lui souffler à l'oreille. Il est aime. Oui. J'ai touché ta clope. J'ai touché ta clope. Ou sinon, I will kill you. Bon, faut écouter les autres podcasts pour comprendre les références. Oui, il y en a 104 pour rattraper toutes nos insides. Il y a plein de backstories, c'est une longue histoire. Mais tu vois, c'est déjà 104. Ouais. Ça peut être 104 surprises. Ah. Pour 104 jours. Tu lui offres un podcast. Tu graves sur un CD un podcast par jour. Wow, 104 wow. Hey, CD. Ça peut rendre fou de n'importe Ça me fait penser... Oui, vas-y donc. Pour notre promotion, parce que, tu sais, regarde, on pousse pas fort, là. On n'achète pas des panneaux publicitaires. Non. Offrez, pas de problème, gravé sur sur CD à des amis. Votre problème, vos solutions préférées. C'est une bonne idée, J'imagine que par Internet, peuvent le faire aussi, là. Mais tu sais... Non, mais virtuel. C'est parce que... Il peut pas arrêter le plastique. Non, c'est parce que ceux qui nous écoutent sont habituellement techno-geeks qui vont chercher des podcasts. Ouais, mais moi, ma mère est prête, là. Si j'y donne un petit iPod Nano... Ouais. Puis en passant, je t'ai mis tes tunes préférées et... 105 épisodes, dont celui où on parle de tabarplot. Moi, je parle de CD, mais tu sais, iPod Nano, tu veux dire le truc que la batterie, tu peux pas la changer. OK, c'est beau. On s'entend sur une clé USB puis on n'en parle plus jamais. Printons des CD, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parfait, c'est tout. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi des verbatims des émissions qui se peuvent, donc il y a des copies papier de pas de problème. Oui, dans le bureau de Radio-Canada. Non, offre un iPad, puis sur l'iPad. Ou Electrotel. Oui. Venez nous voir à notre prochain podcast devant public au début de l'été. Mois de mai, peut-être. Oui. À l'extérieur. Terrasse! À l'extérieur, c'est aussi vrai que notre site Internet. Oui. T'as vu, ça a tellement pris de temps, cet Internet, que ça a eu le temps que ça ne serve plus à rien d'avoir un site Internet. C'est vrai, c'est pas rendu compte. C'est fou, ça a valu la peine. Attends, on aurait pu mettre des jeux. Oh, come on. Pin nos bio. Ça le vole. Pin les pantalons sur Mathieu Bouillon. Oui. Ah. Devine le T-shirt d'Antoine. Oui. Alors, hey, ça, là, c'est... Il choue au bon moment. Beaucoup de... Chou! Bitch, Charbouquois. C'est drôle, ça. Oui, c'est vrai. Donc, qui a gagné? Qui a la meilleure solution, là? Ben, je sais pas, nous, on a dit les nôtres, là, Antoine. Ah, trace une ligne à terre, puis s'il traverse, tu le tues, puis tu fondes un empire qui va durer plusieurs millénaires. C'est quand même pas pire, ça. Ouais. Fred? Ouais, mais il faut que ta mère soit Luba, par exemple, la chanteuse Luba, c'est ça? Luba. Let it go! Okay. Luba. Let it go! Ça, c'est un référent. Oui, mais, faut aller lui faire une meilleure réputation, soit en prenant sa place ou soit en travaillant sur le site. J'aime ça. Tout bon. Oui, hey, cela dit, N'oubliez pas de nous écrire vos problèmes sur Facebook ou sur Google Plus ou sur Twitter ou sur à part courriel à podproblème@gmail.com ou par téléphone à Antoine au 514-283-1924. Oui. Allez voter 5 étoiles ou rien, le podcast numéro 1 de la francophonie. C'est nous. Ben oui, là, on combat contre par quatre chemins. Mm-hmm. Oh. L'après-midi porte-conseil, mais c'est pas des vrais podcasts. Ben non, c'est non, arrête, contenu. On est là, on est au top. Ben, Bazo, là. Bazo m'a bâché. A fait un podcast audio avec son émission visuelle. Ça n'importe quoi. Ça va être bon, quand même. Ben, ça s'écoute, ça s'écoute très bien, audio. Oui, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. Bon. C'est, t'as pas besoin de... OK. Alors, voilà. Le concours, fin. Écrivez-nous. Oui. Merci, Sonar. Oui, merci, Sonar. Merci, Pascal. Le mot de la fin, vous avez un problème? Nous avons un podcast. OK, tu vas me le refaire, mais plus heureux. Vous avez un problème? Parce que... Sur une île mystérieuse.